Je ne comprends pas ce que vous dites, se dira. Je ne comprends pas. No comprendo. No comprendo. Ce que. Lo que. Lo que, oui. Alors, encore une fois. No comprendo lo que. Vous, usted, vous dites. Dice. Réessayez. Te. Dice. Dice. Hein, dice. Parce que le verbe dire, c'est. Decir. Oui. Et en insistant à l'oral sur le « et », normalement, il devient « yé ». Donc, logiquement, ça devait être « diece ». Mais, pour des raisons d'évolution phonétique, c'est devenu « dice ». Donc, c'est bien « no comprendo lo que dice ». D-I-C-E. « Dice ». Alors, comment dira-t-on « ils me disent » ? Mais, dicen? Comment dit-on vous, hein, ou c'est vous me dites? Me dice. D'accord, dice, qui veut dire vous, ou c'est dites, mais aussi il ou elle dit. Donc, pour la forme du pluriel, il ou elle disent, il vous suffit d'ajouter un n final à la forme du singulier. Il ou elle dit. Dicen. Bien. Hein? Dicen. Hein? Dicen, c'est ils ou elles disent. Et donc, me dicen, ils me disent. Et comment dit-on, pourquoi est-ce que vous ne me dites rien? Vous posez la question à ustedes. ¿Por qué no me dicen nada? ¿Por qué no me dicen nada? C'est ça. On emploie la même forme dicen pour ustedes que pour il ou elle au pluriel. Et pourquoi est-ce que tu ne me dis rien? ¿Por qué no me dices nada? Encore une fois. ¿Por qué no me dices nada? C'est ça. ¿Por qué no me dices nada? Alors, par contre, avec nous, on part toujours de l'infinitif. Ici, decir. Par exemple, si vous dites, en vous adressant à usted, nous vous disons, ça sera. Decimos. Decimos. Nous disons. Donc, nous vous disons, le decimos. Le decimos. Et comment dit-on comprendre? Comprender. Comprender, oui. Ou? Entender. Entender. D'accord. Entender ou comprender. Alors, si vous voulez dire « est-ce que vous me comprenez ?» à partir du verbe « comprender hein, », vous posez la question à « usted ». « Est-ce que vous me comprenez ?»« Me comprende ?» D'accord. « Me comprende ?» Et avec « entender » Me entiende. Me entiende. Me entiende. C'est ça. Donc, dans le cas de « comprender », le « e » accentué est maintenu entre « m » « r » et « nd ». Comprendo. Comprende. Etc. Tandis que, dans le cas de entender, il devient yé. Entiendo, entiende, etc.